Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Voici tout de suite Histoire vivante. Histoire vivante en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Le cop, c'est devenu l'ennemi. Cette semaine, l'Amérique et ses démons. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Des lynchages aux émeutes. Le bilan provisoire s'élève à 5 morts et 138 blessés. Un monde noir et blanc. Plusieurs victimes ont été touchées par balles et d'autres battues. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote. And a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. Les flambées de haine qui se sont produites en divers points des États-Unis au cours du week-end dernier, mettant aux prises des Blancs contre des Noirs, ont continué cette nuit. Le racisme chez les Blancs est peut-être dur à supporter pour les Noirs, mais c'est aussi le problème des Blancs. Cruelle et froide statistique qui remonte à la surface le temps d'une exposition comme celle présentée à Manhattan, au mois de février 2000, présentant des photographies et des cartes postales de lynchage, confrontant les États-Unis avec une page sombre de leur histoire. En ce mois de février 2000, dans la salle comble du tribunal de Chattanooga, dans le Tennessee, le juge Douglas Meyers abandonne l'accusation de viol portée contre Ed Johnson. Une décision pour l'honneur de la justice américaine et de la victime, un jeune noir lynché par la foule 94 ans plus tôt. Condamné à mort par un jury blanc au terme d'un procès sommaire et autorisé dans la foulée par la Cour suprême à faire appel, Ed Johnson n'a pas eu à l'époque le temps de faire valoir ses droits. Dans la nuit du 19 mars 1906, il est tiré de sa cellule par des blancs de la ville, traîné à travers les rues jusqu'au pont enjambant la rivière Tennessee, pendu, puis criblé de balles. Car animé par la haine, la seule mort ne suffit pas. Cruelle et froide statistique qui rappelle le chiffre de 4000 Noirs lynchés, pendus aux arbres du Texas, du Mississippi, de l'Alabama et de la Louisiane. Quand paraît en cette année 2000 un ouvrage intitulé « Without Sanctuary », sans sanctuaire, le public découvre une soixantaine de clichés sortis des greniers de l'Amérique et de ses albums de famille, exhibant des corps suppliciés, fouettés, écorchés, lacérés, mutilés, brûlés et vifs. Et la foule, toujours présente, posant, radieuse ou indifférente, au pied des pendus, satisfaite du devoir accompli. Chasseurs à visage découvert, sûrs de leur impunité. Complicité des photographes, alertés par la rumeur ou la presse, qui installent leur chambre noire sur les lieux mêmes de l'exécution pour procéder rapidement au tirage. « Voici notre barbecue d'hier soir », écrit un dénommé Joe à ses parents, au dos d'une de ses cartes, montrant les restes calcinés d'un pendu de 17 ans à Robinson, au Texas, en mai 1916. Le fils attentionné a même pris soin de signaler sa présence au sein de la foule par une croix sur la gauche du gibet. Hier, nous évoquions le début de la révolte au cours des années 60, décennie où beaucoup de choses vont basculer. Retour à ces mêmes années 60, le combat continue, les leaders émergent, combattent et meurent. Chapitre 1. État des lieux avant état d'urgence. Le combat noir n'est pas unitaire. Il y a en cette décennie 60 une revendication centrale qui est la simple et élémentaire reconnaissance des droits civiques. Depuis le 28 août 1963, depuis qu'une gigantesque manifestation non violente a contraint et obtenu du Congrès qu'il s'engage sur cette question des droits civiques et des lois sur l'emploi, le mouvement noir sent bien que la rue sera pour lui une arène pour ses revendications. Mais si le pouvoir politique entame le processus, il en va tout autrement d'une grande partie des Blancs. Venons-en à un autre drame, le drame racial des États-Unis. Après Los Angeles, New York, le Mississippi, Baltimore, le décor de l'émeute s'est planté hier soir à Chicago. D'un côté, 800 Noirs, conduits par le pasteur Martin Luther King, prix Nobel de la paix, qui parcourent un des quartiers résidentiels du sud de la ville. Au moment où le projet de loi décidant de l'abolir est en discussion au Sénat de Washington, le pasteur noir et ses fidèles, adeptes de la non-violence, veulent manifester contre la ségrégation existant dans l'habitat. Justement, dans ce quartier où il y a place pour plus de 100 000 blancs, il n'y a que 7 noirs. Mais comme à Baltimore, dernièrement, l'organisation n'est plus seulement du côté des manifestants noirs. Au contraire, déterminés, maniant le slogan raciste, le jette-pierre et les pétards, ils furent bientôt 5 000 blancs à contrer le cortège silencieux, pour la plupart, des petites gens frais émigrés d'Europe, irlandais, lituaniens, polonais. Les 2 000 policiers furent un moment submergés. Donc, le pasteur King, champion de la non-violence, a perdu une nouvelle bataille. Débordé par les organisations noires, qui récemment réclament un pouvoir noir, un black power, il assiste maintenant à l'escalade analogue des blancs, qui eux aussi s'organisent. C'est bien un phénomène nouveau qui indique la mutation que prend le mouvement, où désormais toutes les radicalisations sont possibles. Jean Lacouture revient à cette époque des États-Unis où il a résidé 6 mois. Il s'entretient de la situation avec Jean-Pierre Moulin, qui lui-même a passé 2 mois sur place. Il y a un nouveau mot qui est entré dans le vocabulaire, c'est « black power », c'est-à-dire « pouvoir noir ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « pouvoir noir » ? Les Noirs ne vont pourtant pas prendre le pouvoir aux États-Unis. Non, bien sûr, c'est une formule, elle est assez frappante, elle est encore, je crois, un peu confuse dans l'esprit de ses inventeurs, et notamment de Stanley Carmichael, qui est un étudiant de 25 ans et qui vient de prendre la présidence du SNCC, le mouvement des étudiants de gauche, dont qui a dans son sigle l'idée de non-violence. Mais cette non-violence, c'est les dirigeants du SNCC sont en train, non pas absolument de la réprouver, mais de l'abandonner en fait. J'ai assisté récemment à un débat à la télévision américaine, auquel participait Stanley Carmichael, et quand on lui a demandé comment pouvez-vous rendre compatible la formule de votre mouvement qui a la non-violence dans sa doctrine et en même temps les appels que vous faites à la révolte noire, comment pouvez-vous concilier ces deux idées, il n'a pas su vraiment expliquer tout à fait. Mais ce qu'il a dit, il a dit: je ne prêche pas encore, nous ne prêchons pas encore la violence agressive, je ne peux pas vous promettre que nous ne l'emploierons pas pour nous défendre. Actuellement, nous n'excluons pas la violence. En fait, on peut dire que le mouvement noir, ou du moins sa pointe active aux États-Unis, est passé de la non-violence à la non-agression. Le mouvement noir évolue. Le Black Power côtoie désormais le non-violent Luther King, mais également les Black Muslims, qui eux revendiquent la partition, à l'instar de ce qui s'est passé en Palestine. Ils revendiquent un ou plusieurs États, essentiellement noirs, estimant qu'on a atteint les limites de l'intégration. Les dirigeants du Black Power, Stokely Carmichael en tête, ont un tout autre point de vue. Mais ils estiment que pour pouvoir négocier en position de force avec les Blancs, pour n'être plus en position de gens qui se laissent accorder des droits, mais des gens qui peuvent les conquérir, ils doivent se bâtir dans des citadelles économiques, juridiques. Ils estiment que, par exemple, des cantons noirs doivent être créés, que des mairies doivent être accordées aux Noirs. C'est le contraire de l'intégration. Ils sont dans la désintégration. Si on peut dire, ils ne croient plus à l'intégration. Ils croient qu'elle ne sera peut-être possible qu'à partir d'une négociation faite en position de force, mais j'estime que l'intégration les noie dans l'océan blanc et qu'ils doivent se créer des îlots noirs sur lesquels ils seront forts. Jacques Salbert. Le Black Power, c'est le pouvoir aux Noirs dans tous les endroits où ils sont majoritaires. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de villes, même à commencer par Washington, du reste, où il y a davantage de Noirs que de Blancs. Sur la doctrine de Carmichael, du moment qu'il y a davantage de Noirs que de Blancs dans une ville, pas de question, c'est les Noirs qui doivent diriger la ville. Ce qui veut dire que c'est le refus de l'intégration. Jean Lacouture. Il y a incontestablement une escalade de la part des Noirs, celle que nous venons de décrire, mais de la part des Blancs aussi, parce que ce que l'on voit à Chicago ces jours-ci, ce sont notamment des grandes contre-manifestations de Blancs. Les Blancs essaient de reprendre l'avantage. On voit des gens du Ku Klux Klan qui prennent la parole dans des réunions publiques avec d'énormes foules. Et on a vu un homme comme le pasteur Martin Luther King, qui est le symbole de la non-violence, et qui, si vraiment quelqu'un peut garder au mouvement noir américain une certaine... certain pacifisme. C'est bien lui. On a vu le pasteur Martin Luther King ce samedi tomber sous des coups de pierre dans un jardin de Chicago, des pierres lancées par les Blancs. On voit là qu'il y a une contre-offensive, une contre-attaque blanche qui est extrêmement redoutable. Le président Johnson a décidément bien du mal avec l'héritage Kennedy. La porte a été entrouverte juste assez pour que cela devienne explosif. En toile de fond des revendications noires, il faut aussi compter avec le Vietnam. Le Vietnam qui consomme régulièrement ses régiments de militaires noirs à qui on ne demande rien d'autre que de servir jusqu'à la mort l'oncle Sam. Jean Sagnier. Dans plusieurs villes américaines, les émeutes raciales viennent de faire une nouvelle flambée. Watts, le quartier noir de Los Angeles, Boston, Cincinnati dans l'Ohio, Tampa en Floride et Montgomery dans l'Alabama furent toutes les témoins de bagarres, de pillages et cocktails Molotov, d'accrochages de bandes ou même de quartiers entiers avec la police et la garde nationale appelés en renfort par tel ou tel gouverneur d'État. On pourrait dire que l'arrivée de l'été a fait renaître ces troubles raciaux et que les États-Unis entrent dans le long été chaud prédit par les leaders noirs. Chacun s'interroge sur l'ampleur de cet orage qui semble souffler un peu partout à la fois. À New York, plusieurs de ces chefs de file se sont récemment réunis pour faire le point de la situation et voir si, en coopération avec les autorités, on pouvait faire quelque chose. Il faut dire à ce sujet que dès l'hiver dernier, presque chaque municipalité a mis sur pied des programmes dits d'urgence, la plupart du temps avec l'aide fédérale. D'une part pour ouvrir des centres où les jeunes, souvent chômeurs, peuvent se réunir et se distraire, et d'autres où ils peuvent apprendre un vrai métier. Des efforts ont également été entrepris pour faire du rattrapage scolaire de ceux qui veulent bien se laisser encourager à reprendre des études au niveau où ils les avaient abandonnées. Et la police elle-même, un peu partout, a subi un endoctrinement dans ce qu'on nomme ici « human relations », relations humaines, même dans le sud où traditionnellement elle n'est pas tendre avec les manifestants. Mieux vaut prévenir ou guider que faire de la répression, leur dit-on, répression qui ne conduit qu'à de nouvelles explosions dans un avenir plus ou moins proche, mais certain. États-Unis, entre répression et intégration, on sait de quel côté penchera la balance, mais on n'est pas au bout de la peine. Originaire du Mississippi, les frangins Chambers chantaient du gospel à leur début. En 1965, ils passèrent à New York et finirent par s'établir à Los Angeles, où ils adoptèrent un ton plus rock et s'identifièrent totalement au mouvement protestataire noir et contre la guerre du Vietnam. Leur titre, Time Has Come Today, devint à la fin des années 60 l'un des titres forts des mouvements militants. Chambers Brothers, Time Has Come Today. Chapitre 2. Leader à tuer. En ce milieu des décennies 60, la très nette transformation de la contestation noire fait exploser le cadre de la désormais trop sage demande d'intégration. Une partie de la communauté demande à présent des comptes à la société américaine, le Vietnam ne faisant qu'alimenter les raisons de la révolte. Figure emblématique de la contestation non violente, Martin Luther King s'exprime sur ces nouvelles formes de contestation. Well, I don't ever like to predict violence because I abhor violence, but realism impels me to admit that if the intolerable condition... Personnellement, j'ai une horreur de la violence, mais du point de vue réalistique, je dois dire qu'il y a des conditions intolérables qui mènent à la violence. Actuellement, ce sont des conditions intolérables qui sont des semences, sont des racines de la violence, sont des problèmes des gens qui sont sans travail, des gens qui sont extrêmement pauvres, des gens qui vivent dans les ghettos, des gens qui vivent dans les taudis. Ce sont des gens qui réagiront avec violence quand leur situation devient absolument impossible. Mon espoir, néanmoins, serait que les villes prendront reconnaissance de cette situation et agiront assez vite pour éviter l'explosion. Mais je dois dire que j'ai la peur et je redoute les réactions qui vont se produire dans les grands ghettos américains cet été si les mesures appropriées ne sont pas prises. Entre désir d'intégration et crispation des opinions, les États-Unis sont bel et bien en train de faire passer une épreuve à leur démocratie. Michel Enfrol. Il faut toutefois dire que les États-Unis admettent pratiquement sans restriction la liberté de parole et d'expression. J'ai vu de mes propres yeux, je ne sais combien de fois, les nazis américains parader devant la Maison-Blanche, portant des pancartes sur lesquelles s'étalaient des slogans tels que « Hitler avait raison, les juifs et les noirs doivent disparaître de notre monde ». D'autre part, le public et les parlementaires réagissent assez lentement. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner du manque de réaction spectaculaire que l'on serait en droit d'attendre après les discours de ces derniers jours à La Havane. It's a free country, right? C'est un pays libre, pas vrai? Dit-on généralement, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Martin Luther King, Stokely Carmichael, il manque bien sûr un homme à compter parmi ces leaders noirs des années 60. Il s'agit de Malcolm X. Who is the black man? The black man in the West has ceased to be black. Not of his own volition, but he's actually been stripped of his blackness. He has been stripped of the language of the black man. He couldn't speak the language of his own people. He had to speak the language of strangers. Today, he speaks the language of strangers. The struggle in the States between the races has always been bloody, but it has been one-sided. The Negro has been doing most of the bleeding. But I believe he's beginning to feel that bleeding should be reciprocal. The struggle of the colored peoples of the world against the forces of Western imperialism and its agents has been going on for a long time. On the continents of North and South America, in Asia, in Africa, oppressed peoples have been waging a tireless campaign against domination at the hands of imperialism and their insane doctrine of racial supremacy. Les années qu'il a passées en prison à la suite de quelques larcins seront pour lui déterminantes. La vie passe plus vite en cellule quand on met le nez dans les livres. C'est ce que fait le jeune Malcolm, qui sortira 7 ans plus tard. Le délinquant ayant au passage troqué son costume contre celui du prêcheur islamiste, c'est aux côtés de sa femme Betty que celui-ci va marquer sa différence, optant très tôt pour le radicalisme de l'autodéfense. Pas une larme versée sur Kennedy, une ironie mordante face à l'attitude du bon pasteur Martin Luther King qu'il juge trop timoré, Malcolm Little est devenu Malcolm X et n'a de cesse de pousser à l'émancipation d'un islamisme noir en Amérique. Un voyage au Caire le place dans un nouveau rapport avec ses croyances. Convaincu qu'une vraie pratique de l'islam peut à elle seule guérir les sociétés du fléau du racisme, Malcolm X, qui est devenu El-Hajj Malik El-Shabazz, est toujours perçu par les Blancs comme un extrémiste dangereux, mais il a en plus perdu le contact avec le mouvement islamiste. Distinguished guests, brothers and sisters, ladies and gentlemen, friends and enemies, le dimanche 21 février, il tient conférence à la salle de bal de l'Audubon. Sa famille doit y assister. Malcolm refuse depuis quelque temps les fouilles à l'entrée des meetings. Il est arrivé vers 14 heures. Le révérend Milton Galamison, qui devait participer au meeting, n'est pas venu. Benjamin X a ouvert le meeting. À son tour, Malcolm est monté au pupitre. Il a salué l'assemblée. Quand soudain, au 8e rang, un homme se lève en s'écriant « ôtez votre main de ma poche ». L'assemblée surprise se retourne. Malcolm demande aux frères de se calmer. Au premier rang, 3 hommes se lèvent et déchargent leurs armes sur Malcolm X qui s'effondre. L'assemblée plonge à terre. Betty protège ses filles. Quand Malcolm X est transporté à l'hôpital, il est déjà mort. Le mouvement a perdu l'un de ses plus importants leaders. Peu après, ce sera au tour de Martin Luther King. La contestation n'est pas prête de disparaître. La Sud-Africaine Myriam Makeba soutint le mouvement pour les droits civiques dès son arrivée aux États-Unis au début des années 60. Elle finit 8 ans plus tard par épouser Stokely Carmichael et se réfugie en Guinée où elle enregistre ce titre « Do you remember Malcolm ?» Myriam et Mbongi Makeba. Hey, drag me across your log. I'm your crosscut saw. Just drag me across your log. I'll cut your wood so good for you, baby. You can't help but say hot dog. Some people call me wood chopping Sam. Some call me wood chopping Ben. Last bit cut your wood. Well, you won't be needing him again. I'm your crosscut saw. Drag me across your log. I'll cut your wood so good for you, baby. You can't help but say hot dog. Got rubber plated axe. That really cuts good. Them cross cut saw better be in your wood. I'm your cross cut saw. Drag me across your log. I'll cut your wood for you, good for you, baby. You can't help but say hot dog. Cross your log. Cut your good for your baby. You can't help but say hot dog. Une émission proposée par Jean Leclerc, en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Assistana de production, Corinne Rochat, Valérie Danton, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. La première, 14h.